Chapitre 8e. Le chemin pris par le sieur Domane pour regagner son logis était plus long de beaucoup que la route ordinaire suivie par mademoiselle de Sauvebourg. Mais il n'avait pas eu le choix, tenant surtout à n'être pas aperçu de la jeune fille. Il avait compté pour la devancer sur ses longues jambes, et il n'avait pas eu tort. Il n'était plus question du rhumatisme. On lui eût donné 20 ans à le voir détaler à travers champs. Quand il arriva à sa maison, il était à bout d'haleine, et la sueur à larges gouttes tombait de son visage. Mais il arrivait le premier. Mademoiselle de Sauvebourg ne s'était pas encore présentée. « Écoute, toi, cria-t-il à sa ménagère, à ceux qui te demanderaient si je suis sorti aujourd'hui, tu répondras que je n'ai pas bougé de mon fauteuil. » La vieille eut bien souhaité quelques explications, mais il lui imposa brutalement silence. Il n'avait pas de temps à perdre. Rapidement, il monta à son grenier, et d'un trou pratiqué dans la maîtresse poutre, et dissimulé avec un art merveilleux, il retira un flacon de verre noir, bouché à l'émeric, qu'il glissa dans sa poche. Revenu à son cabinet, il examina un moment ce flacon avec un affreux sourire, et après s'être assuré que le contenu était intact, il le déposa sur son bureau derrière des dossiers. Cette besogne terminée, il respira. Il s'essuya le front, arbora son beau bonnet de velours et revêtit la loque sordide qui lui servait de robe de chambre. Mademoiselle Diane pouvait arriver, il était prêt. Le malheur est que les minutes s'écoulaient et qu'elle ne paraissait pas. C'était bien la peine de s'exposer à une bonne pleurésie. L'inquiétude commençait à gagner Domane. S'était-il donc trompé? Avait-il trop préjugé de l'implacable orgueil et de la sombre énergie de cette jeune fille? Déjà, à plusieurs reprises, Domane était allé à la fenêtre explorer la route. Il avait tiré 10 fois sa montre, il jurait à demi-voix, quand enfin on frappa légèrement à la porte du cabinet. « Entrez » cria-t-il. C'était elle, c'était bien mademoiselle de Sauvebourg. Elle s'avança lentement, et sans répondre aux civilités obséquieuses du président, sans paraître même s'apercevoir de sa présence, elle s'assit ou plutôt s'affaissa sur une chaise. Intérieurement, Domane triomphait, il avait vu juste. La faiblesse de mademoiselle Diane lui expliquait son retard. Mais cet abattement extrême ne pouvait durer. Grâce à un effort terrible, elle secoua la torpeur qui l'envahissait et se dressa. « Président, commença-t-elle d'une voix brève, il me faut un conseil. Écoutez-moi. Il y a 1 heure environ. » D'un geste désolé, Domane interrompit mademoiselle Diane. « Hélas, soupira-t-il, je sais tout, vous savez. Que M. Norbert est prisonnier, oui, mademoiselle. » Que vous avez rencontré M. de Chandos au bois de Biveron? Oui encore. Bien plus, tout ce que vous avez dit, M. le Duc, on me l'a rapporté. Mademoiselle Diane ne put dissimuler un mouvement de stupeur et d'effroi. On vous a rapporté? Balbutia-t-elle. Qui? Un bûcheron qui sort d'ici. Ah, les bois sont traîtres, mademoiselle. On cause tout haut, on donne la volée à ses secrets, on se croit seul, pas du tout. Il y a une paire d'oreilles derrière chaque tronc d'arbre. Ils étaient 4 fagoteurs à vous écouter, et ils n'ont pas perdu une seule syllabe. Dès que vous avez eu quitté le duc, ils se sont séparés pour aller chacun de son côté semer la nouvelle dans le pays. J'ai bien fait jurer à celui que j'ai vu de se taire. Mais baste, il est marié. Il comptera toi sa femme. D'ailleurs, il a les 3 autres. Empêchez les langues d'aller leur train. Il s'interrompit comme pour respirer, en réalité afin de juger de l'effet produit. Il avait lieu d'être satisfait. Une angoisse affreuse contractait les traits si beaux de la malheureuse jeune fille. « Mais je suis perdue alors, » dit-elle, « perdue. » Maître Domane baissa la tête, c'était répondre. Cependant, non, mademoiselle de Sauvebourg ne pouvait se rendre ainsi sans combat. Elle saisit le bras du président et le secouant rudement. « Tout n'est pas fini, » s'écria-t-elle. « Voici que Norbert atteint sa majorité, il résistera, je le veux. Ne peut-on essayer ? Quoi ? Le sais-je, moi? C'est vous qui devez le savoir. Que faire? Parler? Je suis prêt à tout, puisque je n'ai plus rien à perdre. Non, il ne sera pas dit que ce duc de Chandos m'aura humilié, le lâche, et que je ne me suis pas vengé. Vous plaît-il de m'aider? Le président semblait tout effrayé de la violence de sa cliente. De grâce, mademoiselle, calmez-vous, parlez plus bas. Ah, vous ne connaissez pas monsieur de Chandos, on le voit bien. C'est-à-dire que vous en avez peur? « Oui, mademoiselle, grand-peur, je n'en rougis pas. Quel homme! Quand il en veut à quelqu'un, il est capable de tout. Savez-vous qu'il a essayé de me faire casser le cou, à moi qui vous parle, pour me punir de l'avoir cité devant monsieur le juge de paix, il retira son bonnet, au nom d'un de mes clients. Aussi, quand on vient me trouver pour une affaire contre lui, serviteur. Depuis ce jour où elle avait osé donner rendez-vous à Norbert chez Domann, mademoiselle Diane l'avait revu et consulté souvent ce dangereux personnage, et en toute occasion, elle l'avait trouvé dévoué à ses projets, lui prêchant confiance et courage. Elle devait donc être surprise et indignée du brusque revirement du président, ne devinant pas sa manœuvre, toujours la même pourtant. En d'autres termes, reprit-elle avec l'accent du plus profond mépris, après nous avoir poussé à nous compromettre, vous nous abandonnez au dernier moment. Oh, mademoiselle, pouvez-vous croire? À votre aise, président, Norbert me reste, il suffit. Maître Domann hocha mélancoliquement la tête. Prenez garde, mademoiselle, prononça-t-il. Qui compte sur l'avenir compte deux fois. Savons-nous si, en ce moment même, monsieur le marquis ne répond pas amen à toutes les propositions de son père? C'était verser de l'huile sur le feu. Le président le savait bien. Il excellait en cet art d'exalter la passion par ses résistances calculées. Non, s'écria mademoiselle Diane. Supposer cela serait offenser Norbert. Lui, trahir, il se tuerait avant. Il est timide, c'est vrai, lâche, non. Avec ma pensée et son amour, il résistera. Le sieur Domann s'était laissé tomber sur son fauteuil de cuir, devant son bureau, comme s'il eût été brisé par les émotions de cet entretien. « Nous raisonnons froidement, dit-il, parce que nous sommes ici libres, en sûreté. Monsieur Norbert, lui, est prisonnier, exposé à toutes sortes de tortures physiques et morales, livré sans défense aux caprices du plus méchant et du plus obstiné des hommes. Il est des heures de détresse où les caractères les plus solidement trempés faiblissent. Soit, vous avez raison. J'admets que Norbert m'ait abandonné, qu'il soit le mari d'une autre, que je reste moi, déshonoré, perdu, devenu la fable du pays. Et vous pensez que tout serait dit? À la rigueur, mademoiselle, il vous resterait. Il me resterait la vie, président, que je donnerais avec bonheur en échange d'une vengeance terrible. L'accent de mademoiselle de Sauvebourg trahissait une si effroyable résolution que le président tressaillit, pour de bon cette fois. Ce que c'est de nous, reprit-il après un moment. Voilà bien comme j'étais, moi, le soir du jour où, sur la dénonciation de monsieur de Chandos, je fus mandé au parquet. Il souleva sa calotte de velours. Je ne savais que répéter en montrant le poing à son château maudit. Ah, il verra bien. Il n'a rien vu. J'ai cherché, je vous l'ai dit, des armes dans mon code. Oh, ce n'est pas là que j'en chercherai, moi. J'entends bien. Beaucoup nous ont fait ce serment de haine. Qui n'était pas des poules mouillées. Il disait, avec des blasphèmes à faire tomber le coq du clocher, qu'il tremble, ce noble de malheur. Un bon coup de fusil au coin d'une haie, à la brune, voilà ce qu'il attend. Ils ont chargé leurs armes, ils sont allés à l'affût, et le duc se porte comme un charme. Il soupira profondément, et poursuivit plus bas, comme se parlant à lui-même. Autant vaut pour eux que le cœur leur ait manqué. La justice veille, et pour elle un meurtre est un crime, et pourtant... Si les juges savaient quelquefois, si on examinait bien les circonstances. Qui sait de combien de misérables la mort de monsieur de Chandos sauverait le bonheur? Mademoiselle de Sauvebourg pâlissait en écoutant ces lugubres lamentations. Chacune des paroles du président trouvait en elle comme un écho et éveillait une détestable pensée. Sa conscience se troublait, la nuit se faisait pour ainsi dire dans son cerveau. Cependant, continuait Domann, monsieur le duc vivra 100 ans. Il est riche, il est puissant, il est honoré. Il s'éteindra doucement dans son lit, entouré de respect et d'hommages. Il y aura foule à son enterrement et monsieur le curé le recommandera au prône. Depuis un moment, le président avait repris derrière ses dossiers son flacon de verre noir et il le tournait et retournait machinalement en apparence. « Oui, ajouta-t-il, monsieur de Chandos nous enterrera tous, à moins que... » C'était quelques grains d'une poussière très fine, blanchâtre, brillante, ou plutôt scintillante, comme des cristaux microscopiques. « Et voilà, » fit-il d'une voix sourde, « un peu de cette poudre, et personne ne craindrait plus ce terrible duc. On ne craint pas un homme qui est assis pieds en terre sous une large pierre portant une belle épitaphe. » Il s'arrêta. Son regard rencontra celui de mademoiselle Diane. Pendant 2 minutes au moins, ils restèrent là, face à face, immobiles, frissonnant, la gorge serrée. Le silence était si profond qu'ils entendaient les battements précipités de leurs artères. Ils se fixaient obstinément, chacun s'efforçant de descendre tout au fond de l'âme de l'autre, chacun voulant s'assurer, avant de prononcer un seul mot, que sa criminelle pensée était bien celle de l'autre. C'était vraiment un pacte dont leurs yeux arrêtaient les conditions. Ils s'entendirent car Domane à la fin se décida à parler bien bas, comme s'il eût tremblé que le son de sa voix n'éveillât quelque danger. « Cela ne fait pas souffrir, dit-il. Hein ? Imaginez-vous un coup d'assommoir sur la tempe, voilà les faits. 10 secondes et c'est fini. Pas un cri, pas une convulsion, pas un hoquet, rien. Rien. Et pas d'après. Une pincée suffit. On la laisse tomber dans n'importe quel liquide, dans du vin ou dans du café de préférence. Elle est dissoute avant d'arriver au fond du vase. Et rien ne trahit sa présence. Elle n'altère ni la couleur, ni la saveur, ni le parfum. Mais on cherche. On retrouve. À Paris, et dans quelques grandes villes quelquefois, au fond des campagnes, rarement. Jamais nulle part, quand il n'y a pas déjà des soupçons. Si on cherchait, eh bien, on retrouverait et on constaterait les symptômes d'une apoplexie foudroyante. Il y a peut-être en France 4 médecins capables de distinguer une différence, et encore. Mademoiselle de Sauvebourg avait pris une chaise et s'était rapprochée de Domane. Ils se parlaient d'oreille à oreille, pour ainsi dire, d'une voix brève et saccadée. D'ailleurs, reprit Domane, ce n'est pas tout. Il y a ceci-là. Il faut prouver qu'on l'y a mis, et chercher qui l'y a mis. Oui, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Les investigations seraient vite à bout. On ne trouve pas ce... Il déboucha le flacon et, avec précaution, fit glisser dans le creux de sa main une petite portion de son contenu. Il s'arrêta court. Un mot lui était venu aux lèvres qu'il n'osait prononcer. Il toussa pour masquer son hésitation et reprit vivement. Cette substance ne se délivre pas chez les pharmaciens. Elle est rare, difficile à préparer et à obtenir, extrêmement coûteuse. Si 4 ou 5 laboratoires en conservent quelques centigrammes à l'air pur, c'est uniquement pour les besoins de la science. Impossible d'imaginer que quelqu'un en ce pays en possède un atome. Où et comment aurait-on pu se la procurer? Cependant, vous, autre histoire. J'ai rendu, quand j'étais dans les affaires, un service signalé à un chimiste éminent. Et il me fit présent de ce produit de son art. Remontez donc à cette origine. Il y a 10 ans de cela, et le chimiste est mort. Il y a 10 ans. Passé. Et cependant, cette substance, précieusement conservée, n'a perdu aucune de ses précieuses propriétés. Aucune? Je m'en suis assuré, il n'y a pas un mois. Un hasard. J'en ai délayé une pincée dans une jatte de lait, que j'ai présenté un chien de forte taille. À la deuxième lampée, il roulait foudroyé. Saisie d'une indicible horreur, Mademoiselle de Sauvebourg se jeta violemment en arrière. « Horrible ! » balbutia-t-elle. « Horrible ! » Un imperceptible sourire glissa sur les lèvres minces du président. « Pourquoi horrible ? » Ce chien avait été mordu. Il pouvait devenir enragé, me mordre, et j'expirais dans les plus affreuses souffrances. N'est-ce pas un cas de légitime défense ? Restons dans l'espèce. Plus dangereux que le chien, un homme s'apprête à m'assassiner moralement. Je le supprime. Suis-je coupable ? La loi dit oui et me condamne, mais ma conscience m'absout. Mieux vaut tuer le diable. La main de Diane, violemment appliquée sur la bouche du président, arrêta brusquement l'exposé de ses monstrueuses théories. « Écoutez, » fit-elle. On entendait dans l'escalier un pas pesant. « Norbert. » « Impossible. » Est-ce que son père... C'est lui, répéta Mademoiselle de Sauvebourg. Et arrachant des mains de Domane le flacon de verre noir, elle le glissa dans l'ouverture de son corsage. Mademoiselle de Sauvebourg avait eu un éclair de seconde vue. Si invraisemblable que cela dût sembler, ce pas lourd et mal assuré qui ébranlait l'escalier, c'était bien celui de Norbert. Il parut, et sa vue arracha au président et à Mademoiselle Diane un même cri d'effroi. Tout en lui trahissait quelque épouvantable catastrophe, tout. Sa démarche automatique, ses yeux hagards, le sang mal essuyé qui couvrait son visage. Domane eut comme l'idée d'un crime. « Vous êtes blessé, monsieur le marquis ? » demanda-t-il. « Oui, mon père m'a frappé. »« Comment ? C'est lui qui ? » ?»« C'est lui. » Mademoiselle Diane, elle aussi, avait cru à quelque chose de pire. Elle tremblait comme la feuille en s'approchant de Norbert. « Permettez que j'examine votre blessure ?» Elle lui prenait la tête entre ses mains et se haussait pour mieux voir. « C'est là, n'est-ce pas ? Tous les cheveux, au-dessus de la tempe, sont collés ensemble. Grand Dieu, un pouce plus bas !» Président, si on allait quérir un médecin, donnez-moi toujours un peu d'eau fraîche et un morceau de toile. » Mais malgré sa résistance, Norbert se dégagea et la repoussa. « Nous nous occuperons de cette niaiserie plus tard, » interrompit-il de ce ton tranchant et dur qui donne aux hommes le péril bravé ou une grande résolution prise. « J'ai évité le coup, un coup formidable, qui devait me coucher. Sans un mouvement instinctif, j'étais assommé sur place, par mon père. » « Par le duc? Pourquoi? Que s'est-il passé ?»« Il vous a offensé, Diane. Il a osé venir me le dire, sans vanter, à moi. » « Par le saint nom de Dieu, me prend-il donc pour un bâtard? Ne sait-il pas que le sang de mes veines est le sien, le sang des Chandos ?» À ces lâches insultes, j'ai répondu par des menaces. Il a frappé. Mademoiselle de Sauvebourg fondait en larmes. « Et c'est moi ? » balbutia-t-elle. « C'est moi qui suis cause ? Vous ? Vous l'avez peut-être sauvé la vie. Sans vous, Diane, j'aurais châtié ce suprême outrage, me frapper de son bâton, moi, comme un laquais. Votre souvenir m'a arrêté. J'ai fui, et jamais plus je ne passerai le seuil du château. On parle de la malédiction des pères. Celle des fils doit aussi porter malheur. Mais le duc de Chandos n'est plus mon père, je ne le connais plus. Je vais l'oublier, ou plutôt, non. Je vais me souvenir, pour haïr et me venger. » De sa vie, maître Domane avait éprouvé joie si pleine et si grande. Tous ses exécrables instincts s'épanouissaient délicieusement. Certes, il avait été puissamment servi par les circonstances. Mais enfin, il pouvait s'enorgueillir d'avoir, par ses savantes combinaisons, préparé et hâté la dernière crise, maintenant imminente. Le moment lui parut venu de prendre la parole. « Enfin, monsieur le marquis, » commença-t-il, « à quelque chose malheureux et bon. Votre père a enfin commis une imprudence qui va lui coûter cher. Ah, monsieur le duc, pour un homme adroit, quel pas de clair. Nous vous tenons. Que voulez-vous dire ? Simplement qu'il dépend de nous de secouer dès demain le joug paternel. Enfin, nous possédons les éléments d'une plainte. Nous avons séquestration, menace, violence avec l'aide de tiers, sévices graves, coups et blessures ayant mis la vie en péril, toutes les herbes de la Saint-Jean, quoi. Un médecin va venir, qui constatera l'état de la tête et fera un rapport que nous garderons. Les faits sont-ils niables? Non. Nous produirons quantité de témoins. Pour ce qui est de la blessure, messieurs de la cour en peuvent distinguer l'affreuse cicatrice. Pour commencer, nous introduirons un référé à l'effet de voir dire que nous ne serons pas réintégrés au domicile paternel. En même temps, requête. Attendu que le duc de Chandos prétend violenter nos sentiments les plus légitimes et les plus respectables, nous supplions humblement, monsieur le président, etc., etc. Comme il est dit au modèle 7 du formulaire. Ensuite, jugement qui nous émancipe ou qui du moins... Assez ! Interrompit Norbert. « Ce jugement me donnera-t-il le droit d'épouser qui bon me semble sans le consentement de monsieur de Chandos ?» Maître Domane hésita. Dans son opinion, vu les circonstances et l'état mental du duc, Norbert pouvait arriver à obtenir de la justice l'autorisation de contracter une alliance honorable. Seulement, le dire, c'était conseiller la patience. Il répondit donc hardiment « Non, monsieur le marquis. » « Alors, pas de plainte. » Les Chandos sont toujours lavé leur linge sale en famille, je ferai de même. » Le ton ferme de Norbert ne laissait pas que de surprendre le président. « Si j'osais, » commença-t-il, « donner un conseil à monsieur le marquis. » « Un conseil ? Non, mon parti est pris, mais j'ai besoin d'un service. Il me faudrait avant 24 heures une grosse somme, une 20 000 francs. On pourrait les trouver, monsieur le marquis, mais ce serait cher, bien cher. Eh, que m'importe ? » Mademoiselle de Sauvebourg allait aborder une objection, Norbert l'arrêta d'un geste. « Ne me comprenez-vous pas, Diane ? » reprit-il avec la plus extrême agitation. « Ne devinez-vous pas mes projets ? Ici, notre vie ne peut être qu'un long martyr. Un odieux caprice de nos parents nous sépare. Il faut fuir, partons. Je saurai bien trouver quelque retraite sûre où nous vivrons heureux et ignorés. « Mais c'est de la folie ! » s'écria Domane effrayé. « Est-ce votre avis, Diane ? » demanda Norbert. La jeune fille baissa la tête sans répondre. « On vous poursuivrait, » insista le président. « On vous découvrirait infailliblement. »« Silence !» fit impérieusement Norbert. Et s'agenouillant devant Mademoiselle de Sauvebourg, il lui dit d'une voix tremblante de la passion la plus vive. « Est-ce vrai, Diane, que vous hésiterez à me confier votre vie, si je vous jure devant Dieu de vous consacrer mon existence entière, toutes mes pensées et tout mon être ? Quand je vous le demande à genoux, à main jointe, refuserez-vous de fuir ? » À la contraction des faits de Mademoiselle de Sauvebourg, On devait croire qu'un violent combat se livrait en elle. « Je ne puis, » murmura-t-elle enfin. « Non, je ne puis. » D'un bond, Norbert se redressa. « Ah, c'est que vous ne m'aimez pas !» s'écria-t-il avec l'accent du désespoir. « Fou que j'étais quand je croyais, vous ne m'avez jamais aimé. » Elle, cependant, levait vers le ciel ses beaux yeux noyés de pleurs. « Tu l'entends, oh mon Dieu !» disait-elle avec une expression sublime. « Il dit que je ne l'aime pas. Alors pourquoi repousser notre seul moyen de salut ?»« Norbert, mon ami, je ne le comprends que trop. Le monde vous fait peur. Il y a les préjugés, l'opinion. » Il s'interrompit, accablé du regard de reproche que lui jetait Mademoiselle Diane. « Faut-il donc, reprit-elle, que je descende jusqu'à me justifier ? Que me parlez-vous de préjugés ? Ne les ai-je pas défiés ? Ai-je craint de me montrer par les chemins, en plein jour, appuyé sur votre bras ? Le monde, il m'a jugé déjà, quoi que je fasse. Tout ce que nous avons dit, je pourrais sans rougir le répéter à ma mère. Trouver quelqu'un qui le croit. L'opinion, que peut-elle encore me prendre ? Ne suis-je pas perdu des réputations, alors que jamais les bornes de l'austère pudeur n'ont été franchies ? Quand on parle à Biveron de la demoiselle de Sauvebourg, on ajoute « Ah oui, la maîtresse du jeune marquis de Chandos. » Sa voix était si douce et à la fois si pénétrante que Domain lui-même était ému. Il sentait dans le coin de sa paupière ce picotement qui annonce une larme près de venir, quand il crut s'apercevoir que mademoiselle de Sauvebourg lui faisait un signe. Il douta. Avait-elle donc la plénitude de son sang-froid ? Était supposable cet accent qui arrivait à une telle intensité d'émotion, serait donc joué. Norbert, lui, était transporté de colère. « Qui parle ainsi ? » s'écria-t-il. « Qui ose prononcer votre nom autrement qu'avec un profond respect ? Hélas, mon ami, tout le monde, et demain ce sera bien autre chose. Il y a quelques heures, pendant que votre père m'accablait de son mépris, quatre personnes, cachées près de nous, écoutaient. C'est impossible. « Ce n'est que trop vrai, » affirma Domane. « Je le tiens d'un de ceux qui étaient cachés. » Cette fois, impossible de se faire illusion. Il n'y avait pas à se méprendre au coup d'œil que venait de lui lancer mademoiselle de Sauvebourg. Elle lui ordonnait de sortir. Pourquoi ne pas obéir ? Écoutez, fit-il, on m'appelle, excusez. Et il sortit, refermant un grand bruit la porte derrière lui. Il ne fallait pas moins que ce grand fracas de serrure pour que Norbert remarquât le départ du président. Il ne s'en sentit ni plus ni moins libre. Ainsi, reprit-il d'une voix sourde. Le duc de Chandos n'avait même pas eu cette vulgaire prudence, cette délicatesse banale de s'assurer que nul ne pouvait l'entendre. On écoutait. Et lui ne se doutait pas qu'en vous outrageant comme il l'a osé faire, il se couvrait de honte, il se déshonorait. Hélas ! Quelle folie est donc la sienne ? Notre désespoir présent ne lui suffit pas. Il va encore briser notre avenir. Qu'espère-t-il ? Croit-il ainsi me forcer à accepter cette héritière qu'il m'a choisie ? Cette Marie de Puymandour que je hais sans la connaître. Mademoiselle de Sauvebourg tressaillit. Elle la connaissait, elle. Le duc ne lui avait pas dit le nom de la femme qu'il destinait à son fils. Ce nom devait rester gravé dans sa mémoire, comme s'il eût été imprimé au fer rouge dans sa chair même. « Ah ! » murmura-t-elle. « C'est Mademoiselle Marie qu'on vous offre ? » ?»« Oui, elle, ou plutôt ses millions. » S'il s'en trouvait une plus riche dans le pays, fût-elle la dernière des bachères, on me l'imposerait. Mais ma main se séchera et tombera en poussière avant que je la laisse tomber dans la sienne. Vous l'entendez, Diane ? Elle sourit tristement et murmura « Pauvre Norbert !» Ces deux mots, ainsi prononcés, avaient une signification que le jeune homme ne pouvait pas ne pas comprendre. « Vous êtes cruel, » reprit-il, pénétré de douleur. « Qu'ai-je fait pour mériter cette injuste défiance ? Avec quel serment dois-je jurer que je n'aurai jamais d'autre femme que vous ?» Mademoiselle de Sauvebourg ne répondant pas, il crut voir comme une lueur dans ses ténèbres. « Grand Dieu » s'écria-t-il, palpitant d'espérance. « Est-ce parce que vous doutez de moi, que vous refusez de me suivre ? Non, le doute ne m'arrêterait pas. Mais qu'est-ce donc alors, puisque vous méprisez les absurdes propos du monde ? N'est-ce donc pas la liberté, le bonheur que je vous propose ? Qui vous retient ? » Elle se redressa fièrement et d'une voix ferme répondit « Ma conscience ». Norbert fut comme anéanti. Jusqu'à ce moment, un merveilleux espoir le soutenait, lui faisait oublier l'injure reçue et sa haine, et voici qu'il lui échappait comme de l'eau qu'il aurait essayé de retenir entre ses mains. Il comprenait que rien désormais ne serait capable de faire revenir Mademoiselle Diane sur sa résolution. Cependant, elle continuait. « Oui, ma conscience, dont je ne saurais étouffer la voix, ma conscience qui jusqu'ici m'a donné le courage de marcher le front haut, en dépit des murmures que je recueille sur mon passage. En ce moment, elle me crie « Arrête, je ne passerai pas outre. Si rude que soit mon devoir, et dû mon cœur se briser, je n'y faillirai pas, je ne vous suivrai pas. » Un spasme nerveux lui coupa la parole, mais elle le dompta et reprit avec plus d'énergie. « Seul au monde, j'hésiterais peut-être, mais j'ai les miens. J'ai une famille où l'honneur est comme un dépôt sacré, dont chaque membre garde une portion dont il doit compte aux autres. Une famille qui vous sacrifie à un frère aîné? Soit, je n'en aurai que plus de mérite. Où avez-vous pris que la vertu soit toujours facile? Elle prêchait la révolte et donnait l'exemple de la piété filiale, mais Norbert n'était pas en état d'apercevoir la contradiction. Mais ici, continua-t-elle, ma raison et ma conscience sont d'accord. Pour une jeune fille, sortir du cadre étroit des conventions sociales, c'est la mort. Vous cesseriez bientôt d'estimer celle que les autres mépriseraient. Me croyez-vous donc? Je vous crois homme, mon ami. Admettez que je vous suive aujourd'hui et que demain on vienne vous apprendre que mon père, pour un propos sur mon compte, s'est battu en duel et a été tué. Que ferez-vous? » Tant d'objections se présentaient à la fois à l'esprit du pauvre garçon qu'il resta court. « Croyez-moi donc, reprit la jeune fille, fuyez, mais seul. La vie en ce pays, près de votre père, serait insoutenable. Il serait, je le sens, plus sage d'obéir, mais vous conseillez d'épouser, cet autre est au-dessus de mes forces. Partez, mon ami, vous avez 20 ans à peine, il n'est pas de douleur que le temps n'efface. Vous m'oublierez, je le veux. » « Vous oubliez ? » s'écria Norbert. « Moi ?» Et saisissant le bras de Mademoiselle de Sauffebourg, il ajouta « Vous pourriez donc m'oublier, vous ?» Il était si près d'elle qu'elle sentait sur son visage son souffle brûlant. « Moi ? » balbutia-t-elle. « Moi ?» Norbert se recula comme pour la mieux tenir sous son regard. « Et si je partais ? » interrogea-t-il. « Que deviendriez-vous ? » À cette question, Mademoiselle de Sauffebourg parut perdre contenance. Un sanglot souleva sa poitrine. Son énergie parut sur le point de l'abandonner. « Moi ? » répondit-elle, d'une voix douce et résignée comme devait l'être celle des martyrs près d'entrer dans le cirque. « Moi, je connais mon sort. Nous nous voyons en ce moment pour la dernière fois. Je vais rentrer à Sauffebourg. On doit tout savoir. Je trouverai mon père irrité et menaçant. Il me fera monter dans une voiture et demain, je serai au couvent. Ah, « Jamais ! Ne sais-je pas que ce serait pour vous une lente agonie ? Ne me l'avez-vous pas dit ? » Il s'avança pour la soutenir, elle chancelait. « Oui, répondit-elle, mais il le faut, c'est le devoir. Pour me sauver à cette heure, il faudrait un miracle, le consentement de votre père, là-bas. Je vivrai de nos souvenirs. Et d'ailleurs, quand le fardeau est si lourd qu'il vous écrase, on le jette. Dieu ne saurait punir cela. L'agonie ne durera que ce que je voudrais. » Elle avait, tout en parlant, glissé sa main sous son corsage, et elle en sortait à demi le flacon de verre noir. Norbert comprit. « Malheureuse » s'écria-t-il. Il voulut lui prendre le flacon, elle résista. Elle se débattit, pourtant il parvint à s'en emparer. Mais cette lutte parut avoir épuisé les dernières forces de Mademoiselle Diane. Ses beaux yeux se fermèrent, sa tête se renversa. Elle s'abandonna, inerte, entre les bras de Norbert, qui, les cheveux hérissés, se demandait s'il n'allait pas recueillir son dernier soupir. On lui dit expirante, et cependant elle murmurait encore quelques paroles d'une voix défaillante mais pourtant distincte. Elle conjurait Norbert de lui rendre ce flacon, sa liberté à elle. Puis, avec une admirable précision, elle donnait toutes les indications qu'elle tenait de Domane. « Oh, mon unique ami, disait-elle, rends-le-moi. Cela ne fait pas souffrir. 10 secondes, pas une plainte. Une pincée dans du vin ou dans du café, on ne peut se douter de rien. » À cette pensée qu'elle voulait mourir, cette bien-aimée de son âme, et mourir parce qu'on la séparait de lui, et de quelle mort, Norbert sentit sa raison s'égarer. « Diane » répétait-il en se penchant vers elle. « Diane !» Mais elle poursuivait, comme dans le délire de la fièvre. « Mourir, après tant de divines espérances. Ah, monsieur de Chandos, vous êtes sans pitié. Vous m'avez pris mon bonheur. Il vous a fallu ensuite mon honneur de jeune fille, le présent et l'avenir. Maintenant, il vous faut ma vie et vous me tuez. Grâce, monsieur le duc. » Norbert poussa un cri terrible, un cri de haine et de rage, qui alla épouvanter Doman dans son corridor. Un exécrable projet venait d'éclater dans son cerveau. Il souleva Mademoiselle Diane et la déposa dans le fauteuil du président. « Non, tu ne te tueras pas, » disait-il d'une voix rauque, « et je ne partirai pas. » Il la regarda une fois encore. Elle avançait les lèvres comme pour l'étendre à ses baisers. Elle murmurait son nom. Eût-il eu sa raison encore, c'eût été la dernière goutte du filtre qui verse l'ivresse furieuse, folle. « Tu seras à moi, » murmura-t-il. « Et ce poison qui t'était destiné sera le châtiment et la vengeance. » Et aussitôt, de ce pareil des effrayants des malheureux en état de somnambulisme, il se retira. Les pas de Norbert retentissaient encore dans le vestibule de la maison que déjà Maître Doman s'était précipité dans son cabinet. Il était blême, ce digne président, et ses dents claquaient. Cette scène, dont il n'avait perdu ni un geste, ni une intonation, ni un clignement d'yeux, l'avait terriblement remué. Mais il faillit tomber de son haut, lorsque rentrant il aperçut Mademoiselle Diane, qu'il croyait trouver en syncope, debout devant la fenêtre, le front collé à la vitre, regardant s'éloigner Norbert. « Quelle femme » murmura-t-il, « quelle femme !» Norbert venait de quitter la grande route. Mademoiselle de Sauvebourg ne pouvait plus l'apercevoir. Elle se retourna. Elle était pâle, sans doute, mais non extrêmement. Ses paupières étaient rouges et gonflées, mais l'orgueil de la victoire éclatait dans ses yeux. « Demain, président, dit-elle, demain je serai duchesse de Chandos. » Il était à ce point abasourdi que lui, l'orateur de Biveron, il ne trouvait pas une syllabe. « À moins, cependant, ajouta Mademoiselle Diane, que tout ne se découvre ce soir. » Le sieur de Man sentit un frisson courir le long de sa maigre échine. Elle disait cela d'un ton « brrr ». Pourtant, à tout hasard, il faut tout prévoir, il essaya de poser la base d'un futur système de défense. « Je ne vous comprends pas, mademoiselle, » balbutia-t-il. « Que peut-on découvrir? Que voulez-vous dire ?» Elle lui lança un regard si écrasant de mépris et d'ironie qu'il en fut atterré et que les mots expirèrent dans son gosier. Il reconnaissait son erreur. Il avait cru jouer avec Mademoiselle Diane comme le chat avec la souris, et pas du tout. C'est elle qui s'était jouée de lui. Il avait été sa dupe. « Le succès semble infaillible, » reprit-elle. « Seulement, Norbert est maladroit. » Avec une tranquillité affectée, presque incroyable, après toutes les émotions qu'elle avait subies coup sur coup depuis le matin, elle rajustait sa coiffure un peu dérangée et redonnait à sa robe ses plis gracieux. Quand ce fut fini, après un dernier coup d'œil au miroir du président, « On doit s'inquiéter de mon absence à Sauvebourg, » dit-elle, « il faut que je rentre. » Et d'un ton où perçait, en dépit de sa puissance sur elle-même, ses mortelles angoisses et les affreuses appréhensions qui l'agitaient, elle ajouta « Ah, les heures seront longues cette nuit. Que nous sommes-nous à demain ? Tout sera décidé quand nous nous reverrons, président. Allons, adieu. » Tout cela avait été si rapide, si inattendu, que le sieur de Man se demandait s'il n'avait pas rêvé. Mais non, il était bien éveillé. Et avant de s'éloigner, Mademoiselle de Sauvebourg lui avait comme à dessein jeté une inquiétude qui grandissait de minute en minute, qui le poignait et l'étreignait, qui l'obsédait comme ces spectres grimaçants qui, dans les nuits de cauchemar, viennent s'asseoir sur la poitrine et dont le poids imaginaire étouffe. Ces trois mots, Norbert est maladroit, étaient comme une meule oscillant au-dessus de sa tête et près de l'écraser. Si grande devint sa terreur, qu'un instant il délibéra s'il ne courrait pas jusqu'au château de Chandos pour prévenir. Mais c'était aller au-devant d'un péril certain. Il s'affaissa sur son fauteuil, et les coudes sur la tablette de son bureau, le front entre ses mains, il essaya de se remettre, de réfléchir. Peut-être tout s'accomplissait-il en ce moment même. Où était à présent Norbert? Que faisait-il? Norbert remontait alors le chemin d'exploitation qui conduit à Chandos entre deux rangées de noyers. Toute faculté de raisonnement était abolie en lui, et cependant il croyait raisonner. L'ivresse la plus furieuse à son discernement particulier. Ceux qui ont approché les fous savent avec quelle stupéfiante lucidité ils tirent d'une imagination absurde des déductions logiques. Les ténèbres qui enveloppaient son esprit laissaient en pleine lumière sa résolution. Il voyait très nettement comment il en viendrait à ses fins. Tous les gens de Chandos, et Norbert comme eux, buvaient du vin récolté dans les environs, très sain mais grossier. Le duc, pour son usage particulier, s'en réservait d'une quantité meilleure, qu'il tirait de ses propriétés du Médoc. Le vin du maître, comme on disait au château, lui était servi dans une grosse bouteille qu'après chaque repas on plaçait sur une des planches de la salle commune à la portée de tous et sans danger car personne n'eût osé y toucher. Norbert pensait à cette bouteille. Il la voyait sur sa planche. Quand il entra dans la cour du château, plusieurs serviteurs qui s'y trouvaient, occupés à charger des charrettes de paille, interrompirent leur besogne pour le regarder curieusement. Ils savaient tous les événements de tantôt, que M. de Chandos avait voulu assommer son fils et que celui-ci s'était enfui en le maudissant. Naturellement, ils prenaient parti pour Norbert, mais sa présence les emplissait d'étonnement car ils avaient pensé qu'on ne le reverrait pas de longtemps à Chandos. Lui, sans prendre garde à eux, marcha droit à la salle commune. Elle était déserte. Il eut un soupir de satisfaction. Alors, mû par un instinct de prudence qu'on n'eût pas attendu de son égarement, il alla ouvrir successivement toutes les portes afin de s'assurer que nul ne l'épiait. Il se pencha même aux fenêtres. Il était bien seul. Aussitôt, avec une rapidité extrême et une prodigieuse précision de mouvement, il atteignit la bouteille, la déboucha avec ses dents et fit glisser non une pincée, mais deux ou trois de la poudre du flacon. Il agissait mécaniquement, pour ainsi dire, sans conscience de ses actes, comme si une volonté autre que la sienne eût disposé de ses membres. Mais il ne négligea rien. À deux ou trois reprises, il retourna la bouteille et l'agita pour hâter la dissolution, sans brusquerie, toutefois, crainte de troubler le vin ou de provoquer une mousse suspecte. Quelques atomes de la poudre étaient restés attachés au goulot de la bouteille. Il les essuya minutieusement, non avec une des serviettes qui se trouvait sur le dos d'une chaise, car il redoutait quelque accident, mais avec son mouchoir de poche. Tout fut terminé en moins d'une minute. Il replaça la bouteille sur la planche et alla s'asseoir dans un coin attendant. Monsieur le duc de Chandos arpentait orageusement la grande allée de marronniers. Pour la première fois de sa vie, peut-être, cet homme entêté jusqu'à l'absurde, ce despote regrettait un de ses actes et se repentait. Non, assurément, à cause de l'acte en lui-même. Il estimait que Norbert méritait, au-delà, le châtiment qu'il lui avait infligé, mais en raison des conséquences possibles, sinon probables. Les considérations qui avaient frappé Domane, l'apôtre du Code, se présentaient à son esprit comme autant de cuisants remords. Il apercevait tous les éléments d'une plainte au parquet. Quels en seraient les résultats? Oh, il ne s'abusait pas. Il savait que pour beaucoup de gens, sa façon de vivre présentait un caractère très accusé de monomanie. Le tribunal, une fois saisi de l'affaire, ne lui enlèverait-il pas toute autorité sur son fils? C'était à supposer. Qui sait? On lui contesterait peut-être jusqu'à l'exercice de son influence morale. L'idée de recourir à la justice ne viendrait pas à Robert, pensait-il, mais manquait-il de complaisant pour la lui souffler? Toutes ces réflexions enflammaient sa colère, mais lui démontraient en même temps l'absolue nécessité de dissimuler, d'agir désormais avec une prudence extrême. Il ne renonçait pas à ses vues sur Mademoiselle de Puymondour, non. Il lui renonçait à la vie, plutôt, mais il se résignait, pour atteindre son but, à substituer la ruse à la violence. L'important, le difficile aussi, était de ramener Norbert. Consentirait-il à revenir sous le toit paternel? Il ne serait pas formalisé ensuite de l'amadouer et de lui faire oublier, à force de cajolerie, l'odieuse scène. Il n'en était là quand on vint le prévenir en hâte de la rentrée de Norbert. On ne pouvait lui annoncer plus agréable nouvelle. « Je le tiens, » pensa-t-il, et lestement, il gagna le château. Quand il rentra dans la salle commune, Norbert, oubliant son respect accoutumé, ne se leva pas. Cette infraction aux règles de l'étiquette domestique frappa beaucoup le duc. « J'arnicoton, » pensa-t-il, « est-ce que mon drôle se croit déjà franchi de tout devoir ?» Mais il ne laissa rien paraître de l'inquiétude que lui causa cette petite circonstance. D'ailleurs, le sang qui couvrait encore le visage de son fils lui causait une certaine impression. « Norbert, mon ami, » demanda-t-il, « souffrez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas fait penser votre blessure ?» Il attendait une réponse, elle ne vint pas. « Pourquoi se sent encore à cette heure ? » poursuivit-il. « Est-ce un reproche ? » « Il n'en était pas besoin, mon fils, pour me faire déplorer mon emportement, ma violence de tantôt. » Norbert ne répondait toujours pas, et ce silence, outre qu'il désappointait fort M. de Chandos, l'embarrassait terriblement. Le personnage qu'il faisait était si nouveau pour lui, il s'imposait une contrainte si extraordinaire, qu'il ne savait plus quelle attitude prendre, ni quelle parole prononcer. En cette extrémité, bien plus pour se donner une contenance que parce qu'il avait soif, il prit sur un dressoir un verre qu'il posa sur la table, et atteignant sa bouteille, il le remplit à demi de vin. Un frisson d'horreur secoua Norbert, de la nuque au talon. « Voyons, mon fils, reprit le duc, quelles excuses doit vous faire votre père? Parlez, un homme s'honore en reconnaissant ses torts. » Il avait pris le verre, et machinalement il l'élevait à hauteur de l'œil. Norbert ne respirait plus. Il lui semblait que le vide se faisait autour de lui. La tête lui tournait. Il entendait comme des détonations à ses oreilles. Son estomac se soulevait, ses veines charriaient des torrents de lave. Pourtant, il ne broncha pas. « Il est cruel, » continua le duc. « Il est douloureux de s'humilier devant son fils et de s'humilier inutilement. » En vain, Norbert détournait la tête. Il voyait. Monsieur de Chandos flairait le verre. Il l'approchait de ses lèvres. Il allait boire. Non. Norbert ne put supporter cela. D'un bond, il fut sur son père, et lui arrachant le verre des mains, il le lança par la fenêtre en criant d'une voix terrifiante « Ne buvez pas !» Le mouvement de Norbert, sa physionomie, sa voix, valaient toutes les explications. Une épouvantable lueur éclaira le duc. Ses traits se décomposèrent, sa face s'empourpra, ses yeux s'injectèrent de sang, il ouvrit la bouche pour parler, il n'en sortit qu'un râle sourd, il étendit les bras, battit l'air de ses mains et tomba raide, à la renverse, heurtant de la nuque l'angle d'un lourd dressoir de chêne. Norbert s'était précipité dehors. « Au secours ! » criait-il, « à moi, j'ai tué mon père !»